Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Montage sonore. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy, en compagnie d'Étienne Théberge. Bon matin. Pour ceux qui nous écoutent le matin. Bon matin. David Lambert. Hey, bon matin. Bon matin. Frédéric. Et Mathieu Bouillon. OK. The bridge, hein? Okay. Bienvenue, pas de problème. Balado diffusion disponible toutes les semaines, le vendredi, sur iTunes, Balado Québec et rzoweb.com. Une balado où quatre experts en rien s'improvisent, experts en tout. Le temps d'offrir des solutions efficaces et ou loufoques à un problème choisi parmi nos problèmes fournis sur Facebook, Twitter ou podproblème@gmail.com. Aujourd'hui, ça va être des solutions efficaces. Ouais? Ouais. Tu le sens, toi? Ouais. J'ai pas le goût qu'on rit. Hey, c'est le fun. Donc, on rit déjà. Moi, j'ai pas ri. Tu ris jamais. Je n'ai pas ri du tout. Je ne ris jamais. Salut, ici Frédéric Barbouchy de Pas de problème. Pour vos jeux de société, visitez lepionnoir.com. Du jeu familial à la guerre interstellaire, l'architecte de votre ludothèque, c'est lepionnoir.com. Cette semaine, le problème nous vient... Attends, je vais vous lire le problème, en fait. Du Nebraska. Oui, c'est comment inviter tes collègues de travail à un party sauf un ou une personne. Voilà. Ça nous vient de Mathieu Bouillard. C'est pas vrai. Non, c'est Dominique Garand de Lobe Frontal qui nous a envoyé... Je peux utiliser le terme « une chier de problème », on le salue. D'ailleurs, il y a aussi récemment... Ça va être une vie très complexe. Oui, j'ai dit, ça va pas bien, sa vie. Il y a aussi Stéphane Deguire qui nous en a envoyé plein récemment. Mm. Et on salue ces gens fournisseurs de problèmes et on vous invite à le devenir. Oui. Mais ça va bien les problèmes, hein, ces jours-ci. On en reçoit beaucoup. Il n'y a jamais trop de problèmes. Mais c'est le mois de septembre aussi. Hein. Ah oui, hein. Hey, c'est un mois à problème. On est down. C'est ça ici. Alors, oui, mais vous travaillez quand même à la même place. Oui. Ouais. Ouais. Mais souvent, on essaie de ne pas inviter Mathieu, mais il est au courant de tout. C'est pas facile. Je suis tout ce qui se passe. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, ça me fait penser à un problème qu'on avait déjà reçu, qui était la fille qui puait. Oui, il y a ça. Mais c'était comment y dire sans la vexer. Tandis que là, on veut pas y dire, on veut juste pas que cette personne-là se pointe. Un peu, mais tu sais, avec Facebook, moi je me dis peut-être éloigner cette personne-là de les médias sociaux ou ses courriels pendant un certain temps. Mais c'est dur, même quand tu veux organiser des fois un surprise party, c'est scroué, là, tu sais, fait que... C'est scroué. Ouais, c'est scroué. C'est complètement scroué. C'est scroué. Scrooge, c'était le... Scrooge McDuck, non? C'était... Je comprends pas. Oui, Scrooge McDuck. Ah non, c'était Scrooge. Monsieur Picsou. Picsou. C'est bon, c'est Picsou. Moi, je serais prenais une première piste de solution qui serait d'organiser une façon de rejoindre tout le monde qui est une espèce de liste, tu sais, de moi, mettons, j'appelle Fred, Fred doit appeler David, David doit appeler Mathieu. Et jamais mettre cette personne-là sur la liste et dire « Ah, ça a dû se perdre, là, c'était complexe l'organisation. » Non, comme ça, pas bien. Ou tu mets le pas fiable en charge. Le pas fiable en charge d'appeler cette personne-là. Ah. Ça peut marcher aussi. Je cherche un nom, tu sais, comme un téléphone arabe, mais comme... Ouais, mais ça finirait que le party était dans un endroit qui n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Dans une machine à laver mauve. Oui. Je me disais, si tu trouves tous les points en commun de tes coéquipiers de travail et tu essaies de voir ce que tu n'as pas en commun avec cette personne-là, il y a en commun avec tous les autres, puis tu fais un party spécial par rapport à cette affaire-là. C'est tout du monde. On a tout pas de bec de lièvre. Ah, c'est grave. Moi, je voyais plus genre, on aime toutes les ex-phases, c'est un party ex-phase. Non, je sais pas, mais... On est tous des signes d'eau. Oui. Pas toi. C'est un party signe d'eau. Pas toi, Muriel. Muriel Bec de Liège. Signe. Non, mais tu sais, t'envoies un courriel à tout le monde, sans la mettre dedans, puis tu le dis, tu fais genre... Elle n'est pas dedans. Mais en même temps, non, c'est touché ça, parce qu'il y a peut-être comme dans ces personnes-là des gens qui sont plus proches d'elle. Ah, c'est dur, un collègue de travail. Toujours du monde sensible aussi. Ouais. Il faut faire le party comme tu l'annonces, puis le party est deux jours après, là. Il faut que ce soit vraiment... Comme ça, tu peux dire, genre, « Hey, ça s'est fait, ça s'est improvisé vite. » Puis il n'y a personne qui peut s'échapper. « Hey, tiens-tu ce soir? » Ouais. Ben, quoi que ça se fait pas. Moi, j'ai une bonne idée. Oui. Contrairement à toutes vos idées. Oui, c'est dur. Mais tu lui offres des billets de spectacle. Ou, tu sais, quelque chose qu'elle peut pas manquer pour le soir du party, tu sais. Ah, oui! Tu la gardes, tu sais, soirée VIP, quelque part. Pendant ce temps-là, tu as la pile. Ou moins cher, tu fais un appel... Tu book un appel avec un client. Oui, je... au moment du party. Oui, ton appel à 7 heures ce soir. Bonjour, je suis le docteur Schnout de tel hôpital. Oui. Votre père est mourant. Oh, il faut venir tout de suite. Mais là, on l'aide, cette collègue-là. Ou tu lui donnes le chemin pour le party, mais tu sais. Il y a toujours des chemins que quand tu les mets dans un GPS, ça se retrouve à une place qui n'est pas exactement l'endroit où c'est supposé d'être. Là, tu lui donnes le chemin de tout ça. Fait qu'elle n'arrive jamais, finalement. C'est vrai. Puis quand elle appelle, tu fais « Non, mais c'est essayé, ça marche. Tout le monde est là, ça marche. » Mais un autre party, elle fait « Ah, je dois être la première de la gang. Ah, » Oui, oui. Le party plat, tu peux inviter plus de monde que tu peux... Puis tu lui dis, genre, ah, tu dois être au party plate. Non, nous, on est au party le fun. Non, mais encore mieux, mettons, tu arrives en début de semaine. Mettons que tu vas organiser quelque chose la semaine prochaine. Là, cette semaine-là, tu prends ton petit café le matin avec elle. Tu fais genre, tu vas en occuper toi la semaine prochaine. Puis elle fait genre, ouais, hein, mettons, jeudi. Tu essaies de repérer c'est quand la journée où elle est occupée. Ouais. Puis tu fais le party cette journée-là. Comme ça, tu le sais d'avance qu'elle pourra pas. Ouais. Ben oui, mais tu vas checker son agenda tout simplement. Oui. Genre, le week-end dans Laurentides. Oui. Boum! Oui. Puis là, elle fait, ah, je peux pas être là, je suis dans Laurentides. Pour faire ses dons et puis. Ah, ben, je vais m'arranger! Ah! Ben là, c'est pas sûr, là. Mais c'est pas sûr encore. Regardez, fais pas tes plans. Ah, peut-être que c'est ça, tu dois plus. C'est la première personne à qui tu parles du party. Oui. Ouais. Puis là, elle fait, toi, t'es disponible quel jour? Là, je chante tout le monde. Puis tout le monde était disponible, sauf toi. Là, fait que je pense qu'on va le faire. Là. Tu pourrais faire un doodle, tu la laisses répondre en premier, puis après ça, tout le monde se met dispo le jour de son indisponibilité. C'est bon, ça. Fait que là, la force du nombre fait en sorte qu'elle n'est pas là. Sinon, tu fais un envoi courriel à tous, mais tu le fais au moment où elle n'est pas à son ordinateur, puis là, tu effaces le courriel. Ah! Là, tu dis, ah, ben, t'as dû l'effacer, check, je te l'avais envoyé. Puis là, dans les scènes, c'est bon, ça. Il faut que accès à son ordinateur. Ben oui, mais c'est pas ton là, sixième là, doigt qui a accroché la touche. Ah, mais c'est pas bête. Moi, ça, tu vois, j'aimerais ça, je c'est pense. Bon. Mm. Sinon, tu fais un party dans un endroit où il y a un nombre de places limitées. Puis, ben. Genre au laser tag? Genre dans un autobus. Fait que... Mais comment tu justifies que c'est elle, la personne de trop? T'invites tout le monde à 7h, puis elle à 8. Ou tu frames un jeu de courte... Fait que ça serait Mathieu, puis elle. Ouais. Sauf que le problème avec ça, c'est que si c'est une collègue qu'on veut pas inviter, c'est clair qu'elle est là quand même à 6h30. Pour être sûr. C'est sûr qu'elle est gossante. Ça peut être un gars aussi, là. Pour ne pas blesser les gens qui, les gens qui peut-être aiment la personne, tu sais, tu dis, hey, on fait un gros party surprise à cette fille-là, mettons, tu sais, on l'attend à 10h, on va la surprendre. Mais le party, c'était comme un 5 à 7, mettons. Fait que là, elle arrive à 10h, t'as comme les derniers piliers de bord qui font. Puis là, c'est ses vrais amis. C'est ses vrais amis qui l'ont attendu. Ouais. Ou tu t'arranges pour comme, tu sais, il y a sûrement, mettons, elle aussi, elle doit haïr quelqu'un. Puis tu sais, il y a peut-être une relation qui cesse, puis tu fais genre, toi, organise le party. Ça va complètement justifier le fait qu'elle n'est pas invitée. C'est vrai. Très bon. Ouais. Son MSS. Son MSS. Ouais. Tu cherches son MSS. Sus Facebook. Mais ouais. Pendant que cette personne-là travaille, t'attaches ses lacets ensemble. Oui. Oh. Blessure. Bye. Et voilà. Un accident préparté. Mais c'est sûr que si c'est dans un party chez quelqu'un, c'est sûr que tu veux pas l'avoir à ton tir. Mais au pire des cas, tu fais ça, mettons, dans un endroit, tu sais, un bar. Au pire des cas, s'il y a bien, c'est comme moins pire. Juste gossante. Elle est gossante, mais au moins pas gossante dans ta chambre. Non, pourquoi pourquoi ne pas inviter une personne? C'est quoi les raisons qui vous... C'est d'aller jusque-là, parce qu'on s'entend, là, un party où, avec tous les collègues, on assume tout le monde, on fait juste pas leur parler. Bec de lièvre, déjà. Oui, c'est bec de lièvre. Non, mais il y en a des collègues gossants. Signe de terre. Signe de terre. Peut-être qu'elle est super alcoolo aussi, cette personne-là, là, puis personne n'ose l'inviter. Ouais. Ça se peut. Non, mais j'ai juste pensé, moi, à quel niveau j'irais jusque-là, parce que, tu sais... Ils ont peut-être une petite équipe de travail, tu sais, genre à 5 ou 6. Là. Si quelqu'un est gossant, il est gossant pour tout le monde. Tu sais, parce que méga crampe, là, d'habitude, tu assumes un peu, là, si c'est un party de travail, mais... Des fois, c'est la différence d'âge aussi qui met mal à l'aise. Hein. Une équipe jeune, puis une personne plus vieille. Ouais. C'est ça, ils travaillent avec Dr. Doogie. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Mais... Peut-être qu'il y aurait un setup de faire une soirée en deux temps. Tu sais, premier temps, tout le monde est invité. Puis là, tout le monde fait un peu semblant de s'en aller. Oui! Puis se rejoint ailleurs 10 minutes plus tard. On l'a fait, comme vous l'avez déjà fait. Oh. On a fait... j'en ai-tu déjà parlé dans le podcast? On était... Peut-être, oui. Mondial d'impro en Belgique. Puis il y a comme un grand joueur d'impro... pro-belge qui venait étoiler notre match, puis tout ça, puis là, il parle à tout le monde, là, t'sais, il prend vraiment en otage quand il parle, là, t'sais, il met le genre sur le bras de chaise, puis il parle trop proche, puis il fait, tu sais, moi, en 96, j'ai fait une telle impro, puis là, il expliquait des impros qu'il faisait, puis là, j'embarque sur la scène, je dis, bonsoir, madame, le coach de l'autre équipe me regarde, moi, je regarde l'arbitre se lève, silence, ovation, et hop le point. Là, tu fais... Et ça c'est classique. Mais là, toute la soirée, tout le monde essayait de se le passer, puis on n'était plus capable. Et c'est comme la dernière soirée du Mondial où tout le monde fait le party. Il est dans l'auberge. Et là, les gens commencent à faire... les gens qui se brossent les dents, se mettent en pyjama. Bon, on va se coucher. OK, bonne nuit tout le monde. Salut. Ah, moi aussi, j'y vais. Puis tout le monde fait, ben non, vous niaisez, là. Là, il y a des petits messages qui se passent. Et lui, il fait « Ouais, vous couchez tôt, les jeunes! » Puis finalement, on a fait semblant d'aller se coucher. Il est parti. Puis tout le monde est ressorti. Ouais. J'adore. C'est une grande histoire. Le pire, c'est qu'il y a une fille qui venait nous rejoindre après, puis elle l'a croisé en bas, puis elle fait « Hey, tu t'en vas où? » Là, ben non, ils se couchent tous. Ben non, c'est pas vrai! Non, mais elle, dans sa tête, elle fait « Ça se peut pas! » Mais oui, ils se couchent tous. Ah, je vais aller voir. Et finalement, C'est chien. Ouais. Peut-être qu'il l'a su, cette affaire-là. Probablement. Je l'ai raconté sur tellement de podcasts. Sur toutes les tribunes du monde entier. Et hop le fret. Le rejet. Mais ça, c'est comment se débarrasser de quelqu'un pendant le party. Ouais. Sinon, il y aurait peut-être une façon de faire en sorte que cette personne-là soit congédiée. Oh! Pour une journée! Non, mais tu sais... Oui, ça se fait. Ça se fait. Ça, c'est un autre problème, je pense. Comment faire congédier... Je suis pas payé, moi, là-dedans. Ouais, il me semble que... En agence de pub? Ouais. Mais non, pas moi particulièrement, mais je suis bon pour comme aller mettre de la merde. Des fois, quand le monde n'est pas bon, ils sont pas bons. Ben, des fois, il faut le dire. Avez-vous déjà été... Avez-vous débat et décès? Avez-vous déjà été cette personne-là, genre plus jeune, dans un cercle d'amis? Sûrement. Mais... Qui s'impose, là, vous? Non, de faire... Pourquoi j'ai pas été invité? Ça arrive des fois, je le... nous rebrasser. Nous remettre dans nos vieux souvenirs. Non, mais ça arrive des fois, on entend parler d'un événement, puis on fait « Hey, ouais, je ne suis pas invité à cette affaire-là, ça arrive. » On va se rappeler de ce podcast-là comme celui où on a pleuré. Oui. Ouais. Ouais. Ben, en fait, je l'ai déjà dit, mais les 30 ans de l'ancien panéliste Jean-Philippe Durand, ouais. J'étais pas invité à son 30 ans. Ouais. Ça m'avait fait énormément de peine. Mais là, il va peut-être écouter le podcast. Ouais. Pis, non, ben, non, c'est pas lui qui m'a pas invité. Il était déçu que je sois pas là non plus. Peut-être être invité pour ses 40 ans, Mathieu. J'ose croire. Ça, c'est si Jean-Philippe. Ça, c'est dans un an ou deux. Avec son rythme de vie. Son rythme de vie effréné. Effréné. Hey, fait, t'as bien fait de pas venir, il faisait tellement chaud à sa fête. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Non, pas, mais. Oui? Non. C'est bon. Ça va, c'est bon. Ben, sinon, la vérité, hein. Des fois, on oublie la vérité de juste faire comme. T'assumes complètement le party, puis les gens peuvent s'en parler, puis si elle dit, genre, j'ai pas été invité, tu fais, ben non. Ouais. C'est plate, là, mais tu sais. C'est une solution. Puis les gens peuvent dire, genre, ben c'est pas moi qui. Moi, des fois, je fais ça, tu sais, quelqu'un qui fait, ah, j'ai pas été invité, gna, gna, mais je fais, ben c'est pas moi qui ai organisé l'événement, ouais, fait que je suis bien mal à l'aise de t'inviter, fait que, mais je vais voir telle personne. Puis après ça, c'est à telle personne, tu sais, c'est à la personne invitée de dire, genre, hey, je peux pas inviter tout le monde, fait que je suis désolé. OK, mais je vais ça. Comment faire pour ne pas vous inviter? Impossible, on est tellement charmants. Non, mais moi, par exemple, si on me dit c'est un graine de sésame party, ouais, je ne vais peut-être ouais pas me pointer. Ouais. Moi, si on me dit que le party commence à 11h, les chances que je sois là sont vraiment très minces. Mm. Moi, c'est si c'est un endroit où il y a beaucoup de musique forte, mettons. Et de chats. Et des chats, vraiment. Oui, moi, les allergies, ça, tu me parles. Non, c'est ça, tout le monde a son petit ouais truc. Sauf toi, sauf David. Non, moi, je suis toujours... Moi, je suis toujours... Non, c'est faux. Je suis jamais imparté. Une fois de temps en temps, j'y vais. Mais je suis toujours invité, par exemple. mais t'inverses ça pourquoi, en fait? Je comprends mais non, pas. Non, mais voir si c'est d'autres trucs. Ouais, tu sais, si, par exemple, il sait que la fille ou que le gars est allergique aux chats, ben, il envoie son invitation en disant « J'ai des chats chez nous. » T'essaies-tu de trouver nos faiblesses pour pas nous inviter dans un party? Non, j'essaie de faire un meilleur party sans avoir de chat. On partait de chat à 11h. Si on sait que la personne qu'on ne veut pas inviter a des enfants très jeunes, ben, ouais, si le party commence à 11h, les chances que la personne soit là sont pas très bonnes. Tu vois, moi, ça augmente mes chances d'être le là. Le cat party. C'est pour ça qu'on se croise rarement dans les parties. Mais je sais, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Donc, t'as rien, David? Ben, attendez, là. Je sais pas, moi, si... Non, il n'y a rien qui me... Non. Qui me rebute. Par tes thématiques petite vie. J'adore. Par tes pas de lunettes. J'ai des verres de contact. Pas de verres de contact. Ah, là, je suis dans la merde. Oh. Non, je me considère même pas comme un gars avec des lunettes. C'est rochant. Ah ouais? T'sais. OK. Mais là. Ah, ça serait bon ça, un party flou. Des gens qui portent des lunettes d'habitude. Tout le monde pense que c'est un party fou, mais non, c'est un party flou. Non, flou. Flou. Ouais. Où les gens, les filles se maquillent, mais comme... Tu cèdes un peu. T'es jamais capable de focusser vraiment. Oui. Non, mais avez-vous déjà vu le same height party? Non. Même autant. Oui, les gens ont des semelles pour égaliser la personne la plus grande. Oh, c'est drôle. C'est vraiment drôle parce que t'as une petite madame sur les grosses semelles qui parle direct à un gars. Mais c'est donc bien c'est drôle. C'est bien niaiseux. Je pensais que les gens étaient triés à la porte. Il n'y avait pas de smell. Quand tu fais 5 pieds 3, tu es dans la grande salle 5 pieds 3, 6 ça pieds. Ça prend beaucoup de salle. Hein? Ça prend beaucoup de salle. Ouais. Mais à la limite, c'est plus facile d'avoir beaucoup de salle que des smells de toutes les hauteurs et de toutes les tailles pour tout le monde. Non, mais chacun s'arrange avec ses smells. T'sais. Tu fais genre la personne la plus grande est 6 pieds 2, il faut que tu te trouves. Il faut que tu fasses 6 pieds 2. Pour ta cote. Ou le gars de 6 pieds 2, il s'accroupit. Il est assis. Ah, il est assis toute la soirée. Oui. C'est un autre problème. Ou on ne l'invite pas. Comment on ne peut pas l'inviter? Il est trop grand. Trop grand. Mm-hmm. C'est de voir. On a eu beaucoup de très bonnes solutions en ouverture. Oui, mais vous, là, mettons que pensez dans votre environnement de travail. Ouais. Là, oui. Sans nommer cette personne, la personne que vous inviteriez pas à un party, comment vous arrangez pour ne pas l'inviter? Ben nous, on a un gros bureau, fait que c'est plus facile. Ouais. C'est normal qu'il y ait du monde qui ne soit pas invité parce qu'on se connaît même pas tout le monde. Ouais. On est genre 400. Là, non, mais je parle. Ok. Tu veux dire, mettons, je fais un party dans ma plus petite gang, là, les gens autour. Il y a quelqu'un, la personne qui te gosse le plus, là, même si tu l'inviterais pareil, comment tu ferais pour ne pas l'inviter? Mais moi, je pense que je serais vraiment. J'écrirais aux autres en faisant. Le principal. Ouais, en faisant. Hey, c'était peut-être un peu weird, mais j'ai le goût de vous voir, vous, mais pas voir un tel. Fait ouais. Ça vous tente-tu, on sort, on en parle comme pas, puis on dira qu'on s'est comme rencontrés un peu par hasard, ça arrive, puis c'est devenu quelque chose. Ouais. Tu sais, des fois, on fait. Puis des fois, c'est vrai. Tu sais, il y a comme une soirée, tu pars à deux faire l'épicerie, puis finalement, tu te ramasses dans un bar, puis t'es comme huit, puis tu fais genre, on s'est comme chiré, puis après ça, la personne qui était pas invitée est comme, ben là, vous avez pu m'appeler, puis tu fais, hey, ça a juste comme été de même. Fait que tu l'inventes. Ouais. Moi, ça, c'est comme la source, des fois, de... Il y a bien des conflits. Ouais. Ça dérape, là. Ouais. Ouais, il nous a écrit que... Tu sais, il nous a parlé d'une personne qui nous a écrit, il voulait pas que tu viennes. Ouais! J'avoue, ça, c'est vrai. C'est ça, là. C'est mieux d'écrire à la personne. C'est sûr que Mira fait chier le plan. C'est sûr que c'est Mira qui fait que ça marche pas. Oui, on va mettre une photo de Mira sur... Ouais. Ouais, vous allez comprendre tout de suite avec ses petits yeux vides. Son foulard dans le cou. Puis son poil noir. C'est un chien. Sa cuisse de son pied marie. Oh, ma belle vienne. Est-ce qu'on peut centrer le concept du party autour de la personne qu'on ne voulait pas, tu sais? Genre, ça devient un makeover party. Meurtre et mystère. Meurtre et mystère. Sa fête. Sa fête, c'est ça. Mais ce qui est dur dans ces affaires-là, c'est souvent, c'est pas tout le monde qui l'a eu. Tu sais, c'est comme quelque chose. C'est pas tout le monde qui embarque dans le plan de match. Peut-être que... organiser le party pendant ses vacances. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Oh oui, super. Ça, c'est très bon. Comme ça, c'est sûr qu'elle n'est pas là. D'ailleurs, tu sais, des parties de bureau, tu te dis que tu reviens de ton congé pour ça. Un moi, peu le party d'été, c'est de lister pendant mes vacances. Pensez-vous que c'était parce qu'il ne voulait pas que je vienne? Oui. Et voilà. Et voilà, un premier indice. Un plus un. Un plus un. Merde. T'étais-tu le seul en vacances à ce moment-là? Je pense que oui. Ben, tout le bureau. Oui. Mais je suis seul aussi à avoir un bec de lièvre. Fait que ça... Ah, David Muriel. Ce nom composé. Muriel. Le nom officiel du bec de lièvre. Mais cette collègue-là, là, ou ce collègue-là, tu vois. Tu m'en vas nulle part avec ça. Je voulais juste relancer la discussion. Mais il reste que c'est au travail qu'on se fait le plus d'amis à l'âge adulte. Et non. Non. Non. Non, moi, ça devient des collègues que j'apprécie beaucoup, mais je... Non, mais on ne se fait pas beaucoup d'amis à l'âge adulte, mais ceux qu'on se fait... Ouais, les nouveaux amis, c'est vrai que c'est des gens... Ouais. C'est, de, non, c'est vrai. Quand même, je pense que ça rapporte. Ouais. Mais donc, tu fais juste dire, t'es pas mon ami. Oui. Mais c'est vrai que c'est un drôle de rapport parce que c'est pas tes amis, mais tu passes 50 heures par semaine avec eux. Tu vois plus tes collègues que tes amis. C'est quand même fou. Là. Moi, c'était mon grand problème. À un moment donné, je faisais crier, j'ai des amis que j'ai de la misère à voir, tu sais, puis je vois des gens, tu sais, au passe la semaine je passe avec Annick Tremblay avec... Meunier. Avec Annick Tremblay Meunier. Mais il paraît qu'on en a 20 à peu près, des amis, tu sais, en rotation. Fait que quand on a un nouveau qui arrive, ben, on en perd. Oui, ben c'est normal. Ça va, ça vient. Mais le concours pipé. Hey tout le monde, j'organise un concours pour une fiesta chez moi. Il n'y a que 20 places. Oui, là, regardez votre gratteux. Tiens, voici le tien avec un point noir dans le coin. Oh. Puis, bang. Je pensais que le concours pipé, c'était genre la collègue fait passer des bonnes pipes pour rentrer dans le party. Hey, à toi de faire ton concours, Mathieu. Oui, concours. Ton concours pipé. Le concours pipé. Es-tu complètement pipé? Ben, j'ai déjà été sur une croisière Coors Light en bateau. Puis, c'est déjà drôle. Puis ils donnaient à l'entrée des oreillettes de Bonnie qui éclairaient au film. Puis le bateau, ça fait pas genre ça fait 30 secondes qu'il est débarqué du quai, genre, puis on a le DJ part en faisant « Y a-tu du monde en manque de sexe? » Et tu sais, ça va être 3 heures d'horreur. Ouais, finalement, on a eu beaucoup de plaisir, mais à juger tout le monde. Ah, Mais c'est quoi, c'est René, Simon, les Serge, là, de oui. Molson, mm-hmm. oui. qui étaient à un party de Molson. Spécial Molson, une fin de semaine, puis tu sais, tu fais, OK, on est des personnages de pub, puis on doit faire le party avec du monde qu'on connaît pas. Avec du monde qui boivent ouais, c'est la ça. Bière de personnages de pub. C'est ça. Ah, c'est weird, hein? C'est bizarre, ça. Ouais. C'est pas toi qui étais derrière ça? Ben, je suis pas derrière, j'ai travaillé sur cette campagne. Mais tu vois, tout le monde avait été invité à ce party-là, sauf Nico Pinson. Oui. Beaucoup d'inside jokes. Oh, mon Dieu. Oui. On va mettre une photo sur le site. Oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est terrible. Mais on a tous vécu quand même cette situation-là où oui. tu veux, t'aimerais pas inviter quelqu'un, mais on choke parce que tu fais. Ouais, mais moi, je m'arrange pour déléguer. J'ai toujours fait ça dans la vie, même au primaire. Les mauvais coups, je les déléguais aux autres. Tu sais, j'étais comme le celui en arrière qui manipulait les affaires. Moi, je délègue. Le pas fin. Oui, mais après ça, si ça arrive à moi, je fais bien, non, c'est pas moi. Tu sais, c'est pas moi. Comme la mafia. Exactement. J'ai aucun souvenir de ça. Aucun souvenir de ne pas t'avoir invité. Je n'ai aucun reconnaissance. Je n'ai aucun reconnaissance. Mathieu, as-tu une solution? Ma solution préférée? Ou L'empoisonner. Ma solution empoisonnée. Ouais, on peut aller plus loin. Non, on n'est pas obligé d'être éthique, comme tuer. Non, mais tu peux peut-être mettre genre des médicaments laxatifs dans son pudding. Oui. Comme pour qu'elle file pas. Pour qu'elle file pas la journée. Tu sais, tu l'invites. Non, mais tu l'invites au ouais. party, mais la journée même, tu t'arranges pour qu'elle file pas. Ça, j'aime ça. Ouais. Tu sais, genre, ah, je sais pas ce que j'ai. C'est mais tu sais, elle dit pas, mais les autres, tu le sais qu'elle chie depuis 15 minutes comme une cochonne. Puis là, on fait, ben non, ça va pas, Steph. Ah, non, non. Puis finalement, elle rentre chez eux. Puis elle chie toute la nuit, puis tu fais, ouais. Sinon, tu l'invites au party, mais t'inventes un faux deadline pour le lendemain, ce qui fait qu'elle est obligée de travailler toute la soirée. Ah! Oh oui! Mais genre, ça, c'est... Avec le patron. Mais ça finit par se savoir, tu sais, des faux... On le sait pas si ça finit par se savoir. C'est vrai qu'on le sait pas. Qui suis-je, moi, Chris, pour savoir si on le sait ou on le sait pas? Peut-être qu'elle peut faire genre « Fuck off! Je vais en partir! Vous êtes mes collègues, je vais faire de la job, vous êtes mes amis! On va s'en sortir ensemble! » Oui, c'est ça, c'est quand tu manipules les choses pour ça, si ça se retourne contre toi, ça se retourne solide. Le gros rebound. Oui. Ben, qu'est-ce que... Ou toute la journée, tu sais, d'être invité, tu l'invites, puis toute la journée... Tout le monde me dit des petites affaires plates, mais c'est pas assez pour qu'elle s'en rende compte, mais c'est dans l'accumulation. Tu sais, genre, ça commence, puis ils font genre, ah, c'est un drôle de mix de couleurs. Tu sais, son linge. C'est pas si pire, tu sais. Hey, quand est-ce que tu as lavé tes cheveux? Oui, mais tu sais, quand t'en as 42 répliques de même dans ta journée, tu te sens comme de la merde, t'as pas le goût d'aller faire la fête. Prendrais-tu de la gomme? Oui. Tu envoies des. Tu mets son email à plein de places où il envoie des spams. Oui. Fait que là, dans sa journée de merde, elle reçoit en plus. En plus des spams. Et pour le reste de sa vie après aussi. Non, je pense que c'est ma solution préférée. Oui. Ça a bien fallu. Ouais. Journée de merde. Tu sais, une autre fille qui va la voir. Mais là... Hey, moi aussi, je prends du poids à l'automne. Mais au moins... toutes des répliques, tu sais, que c'est pas tant sur toi direct, mais... Hey, passer à côté aussi, puis flatter là. La bédaine un peu. Oui. C'est pour quand? C'est pour quand? Ouais. Tu vas pouvoir boire ce soir? Les bandes nouvelles! Mais le pire, c'est que ça peut se revirer contre toi, ça aussi, puis faire hey, « j'ai une journée de merde ce soir! » Je vais boire! Je me défends! Je me tape plein de gars! Mathieu! Je fuck toute la payroll. Moi, qu'à la limite, tu veux qu'elle vienne au party, c'est rendu là, tu fais, ça va chier. On va rire. Il y a ça aussi, hein. Des fois, la personne que tu dis, ah non, on n'a pas le goût qu'elle soit là, des fois, rendu dans le party, ça devient comme le light. Ouais. C'est vrai, ça. Ça devient la personne dont on se moque un peu en bonne bière assise. Ouais. Chien. J'espère que j'ai jamais été cette personne. Mais c'est vrai, quand même, tu sais, comme explorer un peu les raisons pour lesquelles on veut pas qu'elle soit là. Tu sais, des fois, c'est comme. comment briser un cœur pour finalement ne même pas s'en rendre compte qu'elle est au party, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. C'est peut-être ça. Là. Donc. Ah, de genre, ça, tu l'inviterais quand même? Oui, peut-être. Parce que tu passes par-dessus ça? Je passe par-dessus. Ça dépend quel genre de collègue. Il y en a des gossants, là. Ouais. Parce que c'est vraiment un problème méchant, Dominique. C'est un problème méchant. Oui, ça va. Ben non, mais ça se peut que tu n'as pas le goût de voir quelqu'un. Hé, hey, moi, quand j'ai pas le goût de voir quelqu'un, je veux pas. Ouais. Non, mais en même temps, si tu invites tes collègues de bureau, c'est comme ça, c'est comme le critère de base. Mm-hmm. Tant qu'à ça, invite des gens que tu aimes voir au travail. Mm. Là, c'est la seule que tu n'aimes pas voir. Mais ben, si tu croises deux gangs, mettons, tu fais comme un party de bureau, mais tu invites aussi des amis à toi en faisant comme genre. Ah, oui, des amis, bon. Là, tu sais, soudainement, ça fait toujours un bon party. Non, ça fait pas un bon party, mais après, tu les sépares rendus sur place. Ou tu t'arranges pour travailler avec juste tes amis, comme ça, ça fait déjà un peu. Comme nous. Tu développes, semaine après semaine, tu développes chez elle une phobie de quelque chose. L'agoraphobie. Non, ouais, mais non, mais l'arachnophobie ou quelque chose du genre. Les beaux, la phobie. Puis là, tu fais un party thématique araignée. Oui, ou juste en rentrant. Ouais, tu mets plein d'araignées. Les beaux, la phobie. C'est drôle. Vos solutions préférées? Moi, je pense que j'aime bien l'insulter tranquillement toute la journée. Oui, c'est la petite journée de marbre. Mais de comme on disait, ça peut vraiment servir contre toi. Oui, mais ça fait quand même un beau setup. En même temps, moi, c'est ça. Tu ça rassemble. Plus fort. J'ai plus de respect pour cette personne-là. Et c'est fort parce que moi, j'ai dit genre... tout le monde, dit, toute la soirée, les gens se disent ce qu'ils ont dit, puis ça devient comme le party thématique, là. Le party méchant. Oui, oh, le party méchant. Tu fais « Ah, t'es-tu rentré dans une porte? Qu'est-ce qui arrive à ton nez? » un seau de sang de cochon, si jamais elle se présente. Ah oui. Carrie. Oui. Ouais. Mais c'est des plans pour que toute ta maison brûle. Oui. Ouais. Pour que ton party explose. C'est une chance à prendre. C'est une petite chance à prendre. Moi, je vais aller pour le doodle pipé. Je pense que c'est mon... Ah oui. Doodle pipé. Pipper le doodle. Ouais. J'aille pas pendant les vacances de la personne. Ouais. Ça, t'es sûr qu'il n'y a pas de fret. Pas de fret. Elle va avoir le email juste en revenant. C'est sûr. Checker l'agenda. Ouais. Envoyer une équipe de spécialistes. Ouais. Des snipers. Mm-hmm. Sinon, tu sais, une bonne vieille sarbacane, là, fléchette tranquillisante dans le cou. Moi, je trouve ça plate qu'on n'en ait pas plus de sarbacane parce que ça serait le fun à avoir. Ouais. Puis peut-être, des fois, une sarbacane à shot. À shooter. Wow! À l'envers. Ça serait malade. Comment c'est? Une paille. Ah, c'est ça, une paille. Une paille, oui. Non, là, c'était pour shooter dans le monde. Oui. Ah. C'est drôle. Hey, salut. Tu saoules le monde. Oh, oh, il shot de votre tête. Non, mais il faisait ça au East Side Mario. Il y avait un gun. Ta référence est déjà spéciale. Oui. J'ai déjà fêté la fête de quelqu'un il sans Mario. Poule, j'ai déjà travaillé dans un grand jour. il mettait de l'alcool dans un gun à eau. Dans un gun à eau. Ouais. Puis il tirait dans la gueule. Ouais. Astique, c'est con. Ouais. Ça te brûle l'aluette. Mais imagine en plus, il te pogne l'œil un peu. T'sais. Imagine en plus, c'est tous les enfants du grand jour qui voient ça. Il se mettait proche. Hein. Mais non, il avec eux autres, oui. C'est vrai. Moi, dans un condo, j'étais sorti une fois, plusieurs fois. Ça n'a pas rapport à mon anecdote, mais on est allé au karaoké, je chante super mal. Puis le prix de la fin de la soirée, c'est que tu retournais enregistrer ta tune puis tu faisais un CD. Ah. Évidemment, c'est moi qui ai repigé. Puis j'étais comme, c'est une joke. Déjà que j'avais fait un méga fret. Il a fallu que je retourne faire un méga fret, puis on me donne un CD de mon méga fret. C'était dégueulasse. C'est immonde, c'était immonde. Tu me l'as envoyé. J'ai dû te brûler, je sais pas. Chante un bout. Je sais même plus c'était quoi. Tente quelque chose! Hey, ça l'a dit, moi j'ai croisé tantôt, parce qu'on est dans vos bureaux, pas loin de vos bureaux, j'ai croisé, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, qui nous avait fourni le problème de comment mater les joggers. Ah, oui. Il m'a dit, hey, bravo pour le podcast, donc merci à toi, je pense que c'est Jonathan. Pas sûr. Joe! Et on salue tous nos broadcasts de RZ Web et continuez à nous envoyer des problèmes. On a-tu des choses à plugger? La lime est recommencée. Mm-hmm. Tous les dimanches au Lion d'Or. Moi, j'ai rien à plugger. Sinon, même pas. On a des campagnes qui s'en viennent. Des campagnes de pub. Les médias. Mobile, est-ce qu'on peut suivre vos blogs? Malheureux, j'en ai pas. J'ai rien, moi, finalement. Moi, vous pouvez m'écouter sur lagrandeidée.ca. C'est vrai. Je joue dans une télé-réalité de publicité. La locomotive. La locomotive de cette télé-réalité. Non, je pense que c'était Drama Queen. Ouais, j'ai bien aimé ça qu'ils disent ça. Ouais, moi, je suis juste traité de Drama Queen aussi. C'est vrai. Et voilà. Et puis, pour ma part, ajoutez-moi sur tous les réseaux sociaux. Yes. Même sur Hello. Hello. C'est quoi Hello? Hello. Oui, c'est nouveau, hein? Ouais, ça va remplacer Facebook. Ah ouais? Bon, on le sait pas encore. C'est la version bêta, là. Mais c'est sûr, si tu peux juste t'inscrire sur invitation. Faut que tu reçoives une invitation. Moi, je t'inscris sur Diaspora, puis t'as jamais vu le jour. Ah, mais c'était ça, là, c'était... le nom sonne comme de la merde. J'ai très hâte, moi, que les gens viennent me voir sur ma page MySpace. On refait ça. MySpace saucisse. Oh! Ah oui, c'est vrai. C'est ma page. C'est toi avec moi qui tenais les saucisses. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est con, là. Elle existe encore? Je sais pas. Faudrait se faire une page, pas de problème, sur MySpace, puis essayer de repartir ça. Mais c'est un peu l'ancêtre de Facebook. Dans un sens. Hey, là-dessus, le mot de la fin? Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Yeah!